pe vivive. Be mon zougade, mon tape la main dans mi leve. Moi pose le la mamzelle, li sa couille de côté. Moi attrape li, son décolleté, pe double moi. Be mon zougade, mon papouzette, mon pape au sien. Mademoiselle, dis-moi, voulez-vous danser? Voulez-vous danser, mademoiselle, dis-moi?